Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à sentir le poids de Dieu dans sa vie? Je kuna mtu anaanza kusikiliza uzito wa Mungu maishani mwake? Nous avons commencé de parler hier sur la conscience du besoin de la gloire de Dieu. Jana tulianza kuzungumzia juu ya dhamiri ya hitaji ya utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bienvenue à notre papa. Tunasema karibu kwa baba yetu, Papa Kilot. Unaweza kusalimu mkutano. Anakuwa pabeni. Il est bien encadré avec maman. Salut l'assemblée aussi. Mama na wewe unaweza kusalimu mkutano. Asante. Bwana sifiwe. Ah, iko wapi? Ingénieur? Il est où? Mbona unakaa mbali huko? Mupatie fasi hapa karibu. On l'accueille, s'il vous plaît. Tunampokea tafadhali. Soyez les bienvenus. Karibu. Les travaux continuent. On a fini la partie de salle de bureau, de salle de prière. Kazi inaendelea. Tunaweza kushangilia Bwana kwa ajili ya mpendwa. Soye beni. Ubarikiwe. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Levons-nous un instant. Tusimame kwa muda kidogo. Et prends ta Bible. Utachukua Biblia yako. Je me rappelle par rapport au témoignage. Ningependa nikumbushe kufuatana na ushuhuda. Que le pasteur venait de nous donner. Ambao mchungaji anatoka kutupatia. Exode 33. Kutoka makumi tatu na tatu. Notre dernier verset que nous avons lu. Shaili letu la mwisho tulilolisoma. Chapitre 34, verset 10. Sura makumi tatu na ine, shaili la kila kumi. Lisons ça ensemble. Tunasoma pamoja. L'Éternel répondit. Ya wakamjibu. Voici. Tazama. Je traite une alliance. Point. Ninafanya agano, nukta. Je ferai en présence de tout au peuple. Na nitaifanya mbele ya watu wako wote. Qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Il s'adresse à Moïse. Mais ce soir, Moïse n'est pas ici. Lakini jioni ya leo Musa haiko hapa. C'est toi qui es là. Ni wewe ndiye ulie. Il s'adresse à toi. Anakuwa kikuambia wewe. Chacun de nous, nous sommes des chefs de nation. Kila mmoja wetu tunakuwa wasimamizi wa mataifa. Il y a une nation derrière toi. Kuna mataifa ambayo yako nyuma yako. Et il y a une responsabilité derrière toi. Na kuna jukumu ambazo ziko nyuma yako. De sorte que tu as besoin. Na hata unahitaji. De ce que Dieu fait avec Moïse. Ya ile ambayo Mungu alifanya pamoja na Musa. Par rapport à ta nation. Kufuatana na taifa lako. Et Dieu dit. Na Mungu anasema. C'est avec toi. Ni kupitia wewe. Je te donne une minute pour considérer que c'est de toi que Dieu parle. Na kupatia dakika moja uanze kuona ya kwamba ni wewe ndiye Mungu anazungumzia. Avec toi. Pamoja na wewe. C'est avec toi. Ni pamoja na wewe. Mais cette phrase. Lakini msemo huu. Vient à réponse. Inakuja kujibu. À une demande. Kwa ulizo moja. Fais-moi voir ta gloire. Ombi nayo sema unionyeshe utukufu. Autrement dit. Kwa maneno mengine. Moïse, Musa, je suis d'accord ninakubali de te donner le poids, nikupatie le kabod, nikupatie kabod que tu demandes. Ambao unayomba. Et quand je viendrai na nitakapokuja avec ma gloire pamoja na utukufu wangu ndani ya maisha yako, je vais accomplir nitatimiza par toi kupitia wewe des choses terribles, mambo ya ajabu. Des choses terribles. Mambo ya ajabu. Si Dieu fait avec moi, kama Mungu anafanya pamoja nami, des choses terribles. Mambo ya ajabu. C'est que je deviens un terroriste. Ni kusema mimi nakuwa mtu wa kuogopesha. Il y a un terroriste qui est en train de naître ici. Kuna mtu wa kuogopesha ambaye konazaliwa hapa. Lorsque le peuple d'Israël avançait, wakati watu wa Israeli walikuwa kisonga, au travers de diverses nations, kupitia mataifa mengi, les nations tremblaient, mataifa yalitetemeka, les nations disaient, mataifa yalikuwa yakisema, ce peuple, taifa hili, qui vient de l'Egypte, ambayo inatokea Misri, a un Dieu, inakuwa na Mungu, qui a fait des choses terribles, ambaye alifanya mambo ya ajabu. Ce peuple risque de passer chez nous ici. Taifa hii inaweza kupitia kwetu. Nous sommes fauchés. Hapa tunaharibika. Nous sommes foutus. Hapa sisi ni bure. Pourquoi? Sababu gani? Dieu a dit à Moïse, Mungu kamwambia Musa, je vais faire avec toi, nitafanya pamoja na wewe, des choses terribles. Mambo ya ajabu. Des choses terribles. Mambo ya ajabu. Avec moi, des choses terribles. Pamoja na mimi, mambo ya ajabu. Durant ce programme, Daniel Mpangohu, Dieu est en train de positionner quelqu'un. Mungu iko namweka mtu nafasi fulani. Dans une nouvelle saison. Ndani ya majira mpya. J'ai aimé l'illustration qu'un visiteur a dit ici la fois dernière. Nilipenda sana mfano ambao mgeni mmoja alisema hapa wakati uliopita. Et c'était une prophétie. Na ilikuwa ni unabii. Pour l'église. Kwa ajili ya kanisa la. Il disait. Alikuwa akisema, dans un pâturage, ndani ya mafugo, il y a des anglos, kuna kuwa mapango. Et lorsque les brebis ou les vaches ont fini ou ont brouté pendant longtemps dans une certaine limitation, na wakati kondoo au mangombe wamekula majani mengi ndani ya nafasi fulani, le berger, mchungaji, ouvre une nouvelle saison anafungua wakati mwingine pour les animaux, kwa ajili ya wanyama hao, et ouvre l'autre clôture, na anafungua pango ingine, où il y a encore des herbes fraîches, ambamo mungali majani mabichi, et tout le troupeau, na mafugo yote, ça fait longtemps brouté ici, imekawia ikikulia, désormais hapa. Na tangia sasa, tous les troupeaux vont rentrer dans l'autre enclos. Mafugo yote yatarudi, où il y a des herbes fraîches, mapango mengine ambao una majani, qui constitue une nouvelle saison, ambao inakuwa ni wakati mwingine. Et si les brebis commencent à maigrir, na kama kondoo dans les jours qui suivent, kwa wakati ils vont commencer à grassir ou à grossir. Wataanza kunenepa. C'est ce que Dieu est en train de faire avec toi. Na hiyo ndio Mungu anafanya pamoja na wewe. Dieu est en train de nous amener dans une nouvelle saison, dans un nouveau pâturage. Mais dans ce pâturage, il y a des choses que Dieu parle. En fait, quel est le pâturage? Est-ce qu'on va aller brouter? Qu'est-ce que les chrétiens broutent? La parole de Dieu. Et voici dans ses grâces et son dames. Les premières herbes fraîches. Majani mabichi ya kwanza. Qu'il nous offre. Ambao anatupatia. Attire Dieu. Uvutia Mungu. Et sa gloire. Na utukufu wake. Dans ta vie. Ndani ya maisha yako. Si tu réussis à comprendre ça. Ukiweza tu kuelewa hii. Mungu Baba. Alléluia. Quelqu'un est prêt à rentrer dans l'autre saison? Kuna mtu ambaye iko tayari kuingia ndani ya wakati mpya? Entrer? Muko tayari kuingia? Nous levons nos mains devant Dieu. Tunanyosha mikono yetu mbele ya Mungu. Et nous disons Seigneur. Na tunasema Bwana. Ouvre mon esprit. Fungua roho yangu. Quelqu'un prie pour lui-même. Kuna mtu ambaye anajiombea yeye mwenyewe. Vas-y, prie. Ingia kwa maombi, omba. Bouscule ton cœur. Anza kutikisa moyo wako. Bouscule ton cœur. Tikisa moyo wako. Bouscule ton cœur. Tikisa moyo wako. Bouscule ton esprit. Tikisa roho yako. Donne des ordres à ton cœur. Anza kuamrisha roho yako. Donne des ordres à ton âme. Anza kutoa maamuzi kwa nafsi yako. Ambia nafsi yako. Comprends ces choses. Elewa mambo haya. Mon âme écoute. Nafsi yangu sikiliza. Mon âme comprend. Nafsi yangu elewa. Mon âme dispose-toi. Nafsi yangu uwe tayari. Je vais rentrer Naitaji dans les verts pâturages. Niingie ndani ya majani mabichi. Pour être renforcé. Ili nitiwe nguvu. Afin d'entamer 2020. Ili avec une nouvelle force. Nianze wakati mpya na nguvu. Na nguvu mpya. De nouvelles grâces. Na neema mpya. De nouvelles capacités. Na uwezo mpya. Une nouvelle onction. Upako mpya. De nouvelles grâces. Neema mpya. Oh Dieu. Mungu. Ouvre mon esprit. Fungua roho yangu. Sensibilise mon cœur. Wende ukambie roho yangu. Bouscule mon cœur. Tikisa roho yangu. Oh mon âme. Oh nafsi yangu. Écoute ces choses. Sikiliza mambo haya. Amen to poids Seigneur. Leta uzito wako kwa Bwana. Dans ma vie. Ndani ya maisha yangu. Dans mon ministère. Ndani ya huduma yangu. Seigneur. Bwana. S'il te plaît. Tafadhali. S'il te plaît. Tafadhali. S'il te plaît. Tafadhali. S'il te plaît, Seigneur. Tafadhali Bwana. Ne me laisse pas. Usiniache. Rater ce programme. Usiniache nikose mkutano huu. Seigneur, ne me laisse pas rater. Bwana usiniache kukosa. Seigneur, que je ne rate pas ma part. Bwana nisikose sehemu yangu. Oh Dieu. Eh Mungu. Donne-moi ma part. Unipe sehemu yangu. Je ne veux pas sortir vide. Sitaki niondoke nikiwa wazi. Je ne veux pas rentrer bredouille. Sitaki nirudi mikono mitupu. Et toi, esprit de distraction. Na wewe roho ya kusubaisha. Lâche-moi. Uniache. Dégage ma vie. Achilia maisha yangu. Dégage mes pensées. Achilia mawazo yangu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Prie pour toi-même. Jiombee mwenyewe. Balise ton chemin. Anza kutengeneza njia yako. Dégage-toi. Anza. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani. Oh, nafsi yangu. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu Yesu. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani. Oh, nafsi yangu. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu. Nafsi yangu ya kutamani. Bwana Yesu. Nafsi yangu ya kutamani. Neema yako isinipite. Neema yako isinipite. Neema yako isinipite. Neema yako isinipite. Neema. Neema yako isinipite. Bwana. Neema yako isinipite. Yesu. Neema yako isinipite. Ah. Neema yako isinipite. Unapobariki wengine. Unibariki na mimi. Unapobariki wengine. Unibariki na mimi. Unapobariki wengine. Unibariki na mimi. yako bariki wengine. Unibariki na mimi. Unapotende ya mwenzangu. Unapotende ya mwenzangu. Unapotende ya mwenzangu. Na mimi Bwana unitendeye. Unapo unapotende ya mwenzangu. Unapotende ya mwenzangu. Unapotende ya mwenzangu. Na mimi Bwana unitendeye. Unapo unapotende ya mwenzangu. Unapotende ya mwenzangu. Yesu. Unapotende ya mwenzangu. Na mimi Bwana unitende. Unapotenda. Unapotende ya mwenzangu. Yesu. Unapotende ya mwenzangu. E Bwana. Unapotende ya mwenzangu. Na mimi Bwana. Bwana unitende. Nafsi yangu. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi. Nafsi yangu ya kutamani. E Baba. Nafsi yangu ya kutamani. Yahweh. Nafsi yangu ya kutamani. Levons nos mains devant Dieu. Tunyoshe mikono yetu. Dites Seigneur. Sema Bwana. Seigneur mon Dieu. Bwana Mungu wangu. Je suis venu honnêtement. Nimekuja kwa moyo wangu wote. Et sincèrement. Na kwa kweli. Devant toi. Mbele yako. Tu me connais Seigneur. Unanijua Bwana. Tu connais toutes mes déficits. Unajua ukosefu wangu wote. Toutes mes failles. Unajua kushindwa kwangu kote. Et toutes mes difficultés à avancer devant toi. Na matatizo yangu yote kwa kusonga mbele yako. Oh Dieu. Eh Mungu. Balise mon chemin. Wendo katengeneze njia yangu. Ouvre un chemin devant moi. Wendo kanifungulie njia mbele yangu. Pour que je t'approche ce soir. Ili nikukaribie jioni ya leo. De tout mon être. Kwa utu wangu wote. Que rien ne m'empêche. Pasiwe kitu kitakachonizuiza. D'accéder à toi. Kukufikia wewe. Que rien n'empêche à ta puissance. Kusiwe kitu cha kuzuiza uwezo wako. D'accéder à moi. Kunifikia mimi. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous poursuivons sur la pensée d'hier. Tunaendelea kwenye wazo la jana. La conscience. Zamiri. Du besoin. Yahitaji. De la gloire de Dieu ya utukufu wa Mungu maishani mwangu. Les hommes et les femmes, wanaume na wanawake, quel que soit leur niveau, hijalisi kiwango cha maisha yao, quel que soit leur rang social, hijalisi ngazi ya maisha yao, quel que soit leur situation économique, hijalisi pesa wanazo, peuvent tomber dans le piège wanaweza kuanguka ndani ya mtego de l'inconscience ya kukosewa na zamiri du besoin de la gloire de Dieu ya itaji ya utukufu wa Mungu et rater na wakose tout ce que Dieu peut être pour eux yote ambao Mungu anaweza kuwa juu yao. Souvent mara le concept Dieu faire pour moi hii msemwa Mungu afanye juu yangu à cause de la multitude de requêtes sababu ya wingi ya mahitaji est devenu quelque peu péjoratif ou vulgaire imesha kuwa kama kawaida. Mais le concept lakini msemwa ou la pensée à mawazo de Dieu ya Mungu être dans ma vie akuwa maishani mwangu est beaucoup tombé dans les oubliettes imesaulika. Et c'est ça que Dieu veut résoudre durant ces deux semaines na ni hii ndio Mungu anahitaji atatue ndani ya wiki hizi mbili. Avoir les bénéfices, les produits, les ressources de Dieu Nous sommes habitués à ça. Kupata faida, matoke mambo mazuri Mungu afanyao tumeyazoea. Mais avoir Dieu lui-même. Lakini kuwa na Mungu yeye mwenyewe. Est devenu quelque chose de vulgaire. Imegeuka kitu ambacho ni kawaida. Cet après-midi, jioni ya leo, j'aimerais aller avec vous dans quelques écritures. Ningependa niende pamoja nanyi ndani ya maandiko fulani fulani. Pour voir ili tuone comment les gens peuvent vraiment être inconscients. Namna gani watu wanaweza kosewa na dhamiri? En ayant Dieu avec eux. Wakiwa na Mungu pamoja nao. Il est vrai qu'une question apologétique peut se poser avec ce thème. Kweli kuna swali la msingi ambayo naweza kuulizika ndani ya mada hii. À l'introduction le dimanche. Ningepasa kuizungumzia nilipoanza siku ya Mungu. Quelle est la question? Swali ni gani? Comment je peux avoir Dieu sans avoir sa gloire? Namna gani naweza kuwa na Mungu bila kuwa na utukufu wake? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont posé la question? Je kuna watu walijiuliza swali. Levez la main. Munyoshe mikono. Qui se sont posé cette question là? Wangapi walijiuliza swali hilo? Comment je peux avoir Dieu et je n'ai pas sa gloire? Na kisa nakosea na utukufu wake. Levez bien la main. Je vois si c'est important d'y répondre. Munyoshe mikono, nahitaji nione kama ni ya muhimu kabisa nijibu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Voici ce qui se passe. Tazama inayopitikana. Quand vous lisez la parole de Dieu, unaposoma neno la Mungu, vous allez observer ceci. Utagundua hii. D'abord, il y a les hommes ou les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Kwanza kuna watu ambao hawamjui Mungu. Et que nous disons naturellement ambao tunasema kwa kawaida que Dieu n'est pas avec eux. Ya kwamba Mungu haiko pamoja nao. Au plan global ou théologique, kwa ngambo ya kiteolojia, Dieu est omniprésent. Mungu haiko na, Mungu anaonekana mahali pote. Vous êtes d'accord? Mnakubaliana nami? Qui sont d'accord? Wangapi wanakubaliana nami? Dieu est omniprésent. Mungu iko mahali pote. C'est-à-dire il est partout. Ni kusema iko mahali pote. De la même manière. Kwa namna hiyo hiyo. Dans toute sa totalité. Ndani ya ujumla wake. Et dans toute sa puissance. Na ndani ya uwezo wake wote. Quand je reçois Jésus dans mon cœur, il vient totalement dans tout ce qu'il est. Lorsque Jacques reçoit Jésus là-dedans, il vit la même chose à cet endroit-là. Et moi à cet endroit ici. Et là où il n'y a personne, où il n'y a pas d'être humain, Dieu est aussi là-bas. La Bible dit, les cieux et la terre ne peuvent le contenir. Il est dans les cieux. Il est sur la terre. Le psalmiste dit, quand même j'irai sous la mer, ta main me poursuivra. Et si je monte dans les hauteurs, t'y voilà. Que l'on soit chrétien, enfant de Dieu ou pas, Dieu est là. Mais a-t-on la gloire de Dieu? Lakini utukufu wa Mungu? Non. Apana. Parce que la gloire de Dieu, sababu utukufu wa Mungu, Dieu la donne à ses intimes. Mungu anazipatia Dieu la donne aux hommes et aux femmes. Mungu anawapatia wana wake na wanaume. Qui sont dignes de ça. Ambao wanaistahili. Prenons maintenant les chrétiens. Tuchukue sasa wa Kristo. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il vient dans ta vie. Anakuja maishani mwako. Qui est-il? Yeye ni nani? Dieu. Mungu. Regarde ton voisin. Angalia jirani yako. Est-ce que tu vois Dieu dedans? Je unaona Mungu ndani? Unamuona mo? Tu as vu Dieu dedans? Je unaona Mungu ndani? Regarde bien, peut-être tu n'as pas bien regardé. Lorsque nous avons reçu Jésus, wakati tumempokea Yesu, il est venu dans notre vie. Amekuja maishani mwetu. Mais qu'est-ce qui se passe? Lakini nini napitikana? Que ce que nous vivons ya kwamba tunayoishi n'a rien à faire. Hakuna la kufanya. Ou ne ressemble en rien. Ama haifanane kwa lolote. À l'essence de Dieu. Kwa ile ambayo Mungu iko. À la nature de Dieu. Kwa asili ya Mungu. Bref, à la gloire de Dieu. Kwa kifupi kwa utukufu wa Mungu. On va voir ça tout à l'heure. Tutaiona hapa haraka. Le peuple d'Israël. Taifa la Israeli. Et le peuple de Dieu. Na taifa la Mungu. Dans certaines périodes. Ndani ya wakati fulani. Les nations tremblent devant Israël. Mataifa walikuwa wakitetemeka mbele ya Israeli. Parce qu'il a Dieu. Sababu ina Mungu. Et que sa gloire na utukufu wake est disponible iko tayari parmi les peuples. Ndani ya watu. Mais dans certaines périodes, lakini kwa wakati mwingine, les ennemis viennent maadui wanakuja et marchent sur Israël na wanatembelea juu ya Israeli mouche, kama vile manzi ou les massacres wanawaua. Dieu est parti où? Mungu ameendea wapi? Est-ce que Dieu est absent? Je Mungu haiko? Il est là. Iko pale. Mais sa gloire ne fonctionne pas. Lakini utukufu wake hautumiki. Je veux dire, ninatamani kusema, il n'offre pas sa gloire. Hapana utukufu wake. Il ne libère pas. Haachilie. Il n'active pas sa gloire. Haachilie utukufu wake. Il n'active pas son kabo. Haachilie usito wake. Et aussi longtemps na zaidi que Dieu n'active pas son kabo dans le peuple d'Israël, zaidi Mungu achilie utukufu wake ndani ya watu wa Israeli, les Amoréens, les Ammonites, les Philistins, tous les ennemis, Waamoni, Waamoni na Wafilistini, wadui wote. Un matin, roi peut décider de descendre là-bas. Asubuhi mfalme mmoja anaweza kuamua kwenda huko. Et il réussit son coup. Na anaweza na faulu. Tout simplement. Sababu gani? Parce que leur Dieu. Sababu Mungu wao. A désactivé. Ameondoa. Sa gloire. Utukufu wake. Son kabod. Usito wake. Parmi les peuples. Ndani ya watu wake. Est-ce qu'on a répondu un peu? Je tumejibu kidogo. Est-ce que je peux avoir Dieu et je n'ai pas sa gloire? Je naweza kuwa na Mungu na sina utukufu wake. Nani ambaye ameelewa? Qui n'a pas encore compris? Nani ambaye hajaelewa? Il y a deux personnes qui n'ont pas encore compris. Kuna watu wawili ambao hawajaelewa. À un moment donné, kwa wakati moja, de l'expérience du peuple d'Israël, ndani ya maisha wa mtoto wa Israeli, ils étaient en train d'avancer avec Dieu. Walikuwa wakitembea pamoja na Mungu. Et les Babyloniens sont venus. Na wa Babiloni wakakuja. Et ils les ont amenés à déportation. Wakawabeba ndani ya nchi ya ugeni. Ils sont entrés dans le temple de Dieu. Wakaingia ndani ya hekalu la Mungu. Ils ont pris les objets en or. Na wakachukua vyombo vya dhahabu. Ça veut dire? Inamaanisha ils sont allés walienda jusqu'à toucher mpaka wakagusa aux choses sacrées de Dieu. Kwa vitu ambavyo vilitakasika na Mungu. Aux choses qui représentent Dieu. Ama vitu ambavyo vina alamisha vinamaanisha Mungu. Na Mungu akapachika mikono. Mubebe. Amenemwa. Partez avec. Mwende navyo. Dieu. Mungu. Tu es avec eux? Uko pamoja nao? Oui. Ndio. Mais pourquoi tu laisses faire? Lakini sababu gani unawaachilia watende hivi? Je suis en colère. Ninakasirika. Je suis pas d'accord avec eux. Sikubaliane nao. Nous avons lu un texte hier ou avant-hier. Tumesema soma andiko moja jana ama juzi. Où l'arche de Dieu est prise. Ambamo sanduku la agano la Mungu lilichukuliwa. Ils ont été malmenés. Walisumbuliwa. Par les Philistins. Na Wafilistini. 4000 hommes sont tombés. Na watu 4000 wakaanguka kwenye vita. Comment ça nous arrive? Na wakasema namna gani na kifiki? Allons prendre Dieu. Twende tukamtwae Mungu. Amenons Dieu ici au champ de bataille. Na tumlete Mungu hapa kwenye shamba la mapigano. Ils sont allés prendre l'arche de l'alliance. Wakaenda chukua sanduku la agano. Et quand c'est arrivé au front, na wakati sanduku la agano lilipofika kwenye shamba la mapigano, wakaanza kushangilia. De sorte que on pourrait dire la terre a tremblé. Na hata wangeweza kusema kwamba ulimwengu dunia ilitetemeka. Et les ennemis ont senti le coup. Mais c'était un coup humain. Lakini ilikuwa tu ni mambo ambayo wanadamu wamejitengenezea. Non, c'était un retentissement humain. Ilikuwa ni mlio ya wanadamu. Et ils ont dit, na wakasema, qu'est-ce qui se passe dans le camp ennemi? Nini inayopitikana kati ya wadui zetu? Et on les a informés. Na wakawaambia, que leur Dieu est venu au camp. Ya kwamba Mungu wao amekuja ndani ya kambi. Et ils se sont dit, na wakasema, le chef a dit, mkubwa nous sommes foutus. Hapa kabisa tunakufa. Mais il dit ceci à son armée. Anasema hivi, anaambia jeshi lake, prenez courage. Muwe na bidii. Soyez des hommes. Na muwe wanaume. Soyez des hommes. Muwe wanaume. Et le combat s'est engagé. Na vita vikaanza. Dieu est de l'autre côté. Mungu iko kwa ngambo ingine. Avec l'armée de l'autre côté. Pamoja na jeshi kule ngambo. De l'autre côté chez les Philistins. Kwa ngambo ingine ya Wafilistini. Quel est leur poids? Usito wao ni gani? Quelle est leur force? Nguvu zao ni gani? Un principe. Wanakuwa tu na kanuni moja. Soyons des hommes. Tuwe wanaume. Un peu comme on dit ici à Goma, mujipe moyo. Le mujipe moyo. Se prend courage. Sans Dieu. Bila Mungu. Des Philistins. Ya Wafilistini. A permis aux Philistins ili waruhusu de revenir sur Israël, warudilie Israeli, de tuer et de massacrer, waue na kuangamiza, jusqu'à tuer le roi, mpaka wakauata mfalme, et Jonathan, na Jonathan, et prendre Dieu, na wakamchukua Mungu, comme butin, kama vile mateka, partir avec, na wakaenda naye, chez eux. Quoi? Dieu, Mungu, pourquoi tu te laisses transporter par des impies, des incirconcis? Où est ton poids? Dieu, pourquoi tu te laisses si léger? Mungu, sababu gani unajiacha mwepesi? Des mains impies, des incirconcis. Mikononi mwa watu wasiotahiriwa. Il se laisse partir. Anaacha naenda. Déposez-moi là où vous voulez. Muniweke mali munataka. Et on le dépose dans la maison de Dagon. Na wanamuweka ndani ya nyumba ya Dagoni. Et ce jour-là, il reste calme. Mais la nuit, lakini usiku, il se dit, anasema, l'impure ou la souillure ne peut tenir devant Dieu. Uchafu haiwezi kubaki mbele ya Mungu. Et Dagon, na Dagoni, se prosterne, quitte son trône. Anatoka kwenye kiti chake. Mais Dagon, c'est une statue. Dagoni inakuwa ni sanamu. Na hiyo sanamu. La conscience. Inaelewa. Que le Dieu d'Israël ya kwamba Mungu est ici. Iko hapa. La statue. Ile sanamu. Utilise son intelligence qui n'existe pas. Inatumia akili yake ambayo haiko. Et la statue. Na ile descend. Sanamu. Inashuka. Et se prosterne. Na inapiga magoti. Et reconnaît. Na inatambua. Que c'est toi éternel qui est Dieu. Wewe Bwana wa wewe. C'est toi éternel qui est Dieu. Wewe Bwana ndiwe Mungu. Un jour au Carmel. Na siku moja le peuple s'est prosterné. Et ils ont dit c'est toi éternel qui est Dieu. Na wakasema wewe Bwana ndiwe. Ils ont l'intelligence. Wana akili. Mais une statue inanimée. Lakini sasa sanamu ambayo ina akili. A compris. Ikaelewa. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit à ce moment. Ningependa nimwambie mtu anayenifuata sasa. Si une statue a reconnu que Dieu est Dieu. Kama sanamu ilitambua kwamba Mungu ni Mungu. Et toi qui Dieu a donné l'intelligence. Na sasa wewe ambaye Mungu amempatia akili. La respiration. Umekuwa na unaweza kupumua. Ses capacités. Ufano wake, uwezo wake. Et tous les biens que tu as. Na vyote unavyo. C'est Dieu t'a donné ça. Mungu ndiye alikupa nayo. Tu es incapable. Lakini huna uwezo. De reconnaître. Wa kutambua. Que c'est Dieu qui est Dieu. Ya kwamba Mungu ndiye Mungu. Fais gaffe. Fanya angalisho. Il est terrible. Ni hatari. De tomber dans les mains du Tout-Puissant. Kuanguka mikononi mwa Mungu Mwenyezi. Si un objet. Kama kitu. Peut reconnaître Dieu. Kinaweza kutambua Mungu. Alors toi un être humain. Sasa wewe mwanadamu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ça veut dire la statue a pris conscience. Inamaanisha kwamba sanamu ilikamata zamiri. La gloire de Dieu. Ikatambua utukufu. Le poids de Dieu qui est venu. Usito wa Mungu uliokuja. La statue. Sanamu. Les jours suivants, siku iliyofuata, comme les sacrificateurs de Dagon n'ont pas compris le phénomène qui s'est passé. Ils ont soulevé leur Dieu. Ils l'ont remis à sa place. Ils ont tout arrangé. Les jours suivants, la nuit, usiku, la statue ile sanam a doublement demandé pardon, je crois. Ikaomba msamama la pili nikiwa. Parce qu'elle est descendue. Sababu ilishuka. Je ne pense pas que c'est Dieu qui l'a déchiqueté. Na siwaza ya kwamba ni Mungu ndiye alimkatakata. Je crois que la statue. Na waza hii sanamu. S'est déchiqueté elle-même. Ayo nyewe kaanza kujikatakata. Pour Dieu comprend. Ilisema Mungu elewa. Dieu des cieux. Mungu wa mbingu. Comprend. Uelewe. Que je comprends, que je m'humilie. Ya kwamba mimi naelewa na ninajishusha. Ces êtres humains n'ont pas compris. Lakini hao wanadamu hawakuelewa. Moi j'ai compris. Lakini mimi et je me déchiquette. Na mina chikatakata. Et les sacrificateurs sont venus le lendemain. Na makuhani wakakuja kesho. Ils ont trouvé Dagon. Wakamkuta Dagon. Déchiqueté par terre. Amekatakatwa anakuwa chini. Et la colère de Dieu. Na kasirani ya Mungu. Est entrée en activation. Ikaanza sasa kutumika. Les hémorroïdes. Magonjwa ya hatari. Les tumeurs magonjwa ont commencé à ravager parmi les peuples. Ikaanza kuharibu kuangamiza taifa. Quelqu'un a déjà souffert d'hémorroïdes? Kuna mtu ambaye ameshagonjwa hemorroïde hapa? Kwa usionyeshe mkono, kwa uonyeshe mkono mro. Hey! Unagonjwa hemorroïde? Tu souffres de l'hémorroïde. Comment mets-toi s'assoit? Maintenant. Tu te cales dans la gagne. Et c'est tout le peuple. Nani watu wote taifa nzima. Et les gens commençaient à mourir. Na watu wakaanza kufa. Parmi le peuple. Ndani ya taifa. Vous avez été fort. Chez le peuple de Dieu pour prendre leur Dieu. Vous avez pensé que leur Dieu c'est un objet, c'est une boîte. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Et c'est le texte que je voulais qu'on lise. Allons-y. 1 Samuel chapitre 6, 7. Samuel wa kwanza, 6 mstari wake wa 7. Regardez avec moi. Mwangalie pamoja na mimi. Hallelujah. Amen. Chapitre 6. Sura 6. Verset 1er, l'arche de l'Éternel fut 7 mois. Sanduku ya agano la Mungu ikafanya miezi 7. Dans le pays des Philistins. Ndani ya nchi ya Wafilistini. Ce que je viens de parler c'est le paragraphe qui précède. Hii ninayomaliza kusema inakuwa ile ambayo inatangulia inakuwa kwenye sura ya 5. Hallelujah. Amen. Et les Philistins. Na Wafilistini. Ils ont chaud. Wanawaka moto kabisa. Ils appelèrent les prêtres et les devins. Wakaita wakuhani. Ils n'ont pas de prophète de Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas quelqu'un de Dieu. Hawana nabii wa Mungu. Tout ce qu'ils ont, ce sont leurs devins. Inakuwa ni waguzi wao. C'est-à-dire leurs sorciers. Ni kusema wachawi wao. Leurs occultistes. Wale wasuda wao. Ils les ont appelés. Wakawaita. Pour dire. Ili waseme. C'est vous. Ni nyinyi qui travaillez avec notre Dieu Dagon. Ambao mnatumika pamoja na Mungu wetu Dagon. Dagon est mort. Na Dagon yamekufa. Donnez-nous une solution. Mutupatie jibu. La question. Swali. Chers devins. Enyi waaguzi wa pepo. Que ferons-nous? Tutafanya nini? De l'arche de l'Éternel. Juu ya isanduku la Bwana Mungu. Bwana asifiwe. Hey, amen. Écoutez la réponse. Sikiliza jibu. De qui? Ya wanani? Les sorciers. Wachawi. Ils donnent un conseil. Wanapana shauri. Pour gérer le Dieu saint. Donc, eux aussi connaissent le vrai Dieu. Et ils savent que c'est terrible. C'est Dieu-là. Mais sa terribilité, aujourd'hui, il veut l'offrir à quelqu'un qui prend conscience qu'il doit avoir Dieu avec lui. Dieu terrible. Les devins disent, faites-nous, ben c'est la suite. Ils répondirent, Wakajibu. Verset 3, Shaili la tatu. Si vous renvoyez l'arche des dieux d'Israël, ne la renvoyez point les mains vides. Mukirudisha sanduku la Mungu, musimrudisha mikono mitupu. Mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Lakini mfanyie Mungu. Vous êtes coupable. Mfanyie Mungu sadaka ya hukumu. D'avoir pris les dieux d'autrui. Nyinyi mnahukumiwa kumchukua Mungu wa watu. Et l'amener chez les impies. Na kumleta kwa watu wachafu. Faites des sacrifices de culpabilité. Mufanye sasa sadaka za kujitolea kwa ajili ya hukumu. Alors vous guérirez. Na sasa mtapona. Et vous saurez pourquoi. Na mtajua sababu gani. Sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Mkono wake haukutoka juu yenu kwa ukomo. Et les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Tutampatia sadaka gani? Ils répondirent, wakajibu, 5 tumeurs d'or. C'est-à-dire, vipimo tano vya dhahabu. Des frappes que vous avez reçues. Vous avez eu quelle frappe? Nikusema, des tumeurs, nikusema mufanye, des hémorroïdes. Mufanye picha ya ile malipizi mliopata. Fabriquer des tumeurs en or. Na mwanze kutengeneza sasa vivimba vya zahabu. Des hémorroïdes. Mwanze kutengeneza hata na hémorroïdes ya zahabu. Offrez à l'Éternel. Na mtolee Mungu. Mungu Baba. Mutu apime. Que quelqu'un ose seulement. Qui donne le conseil? Les devins. Et tous ces hommes-là. Na wale watu wote. Et il dit ceci. Na anasema hivi. Des tumeurs d'or. 5 souris d'or. D'après le nombre des princes des Philistins. Car une même plaie a été sur vous. Tous et sur vos princes. Ça dit, faites des offrandes qui représentent chaque prince nikusema, de votre pays. Nikusema mufanye sadaka ambazo zinamaanisha kila msimamizi wa nchi yenu. Faites des figures de vos tumeurs. Mufanye picha vivimba vyenu. Des figures de vos souris. Mufanye picha qui ravagent le pays. Panya zenu ambazo zinaharibu. Et donnez gloire au Dieu d'Israël. Na mumtukuze Mungu wa Israeli. Il y a eu des souris. Kulikuwa mapanya qui ont ravagé. Ambazo ziliangamiza. Mushaishi na masuri kunyumba. Est-ce que vous aviez déjà vécu avec le souris à la maison? Vous voyez, même actuellement, les gens, quand il y a une souris à la maison, ils disent les démons sont arrivés. Hata leo wakati kuna panya nyumbani wanasema mapepo wamefika. Mais quand Dieu lui-même envoie les souris. Lakini wakati Mungu yeye mwenyewe ndiye anatuma panya. Vous voyez les souris des démons là? Mnaona ile mapanya pepo hiyo? Ils sont animés des démons. Wanatumiwa na mapepo. Capable de dire kwa jina la Yesu. Unaanza sema kwa jina la Yesu. Mais les souris qui viennent de Dieu. Sasa mapanya ambazo zinatokea kwa Mungu. Utasema nini? Kwa jina la Shetani. Tu vas dire au nom de Satan. Vous voyez? Unaona? Ces gens de souris démoniaques qui montent sur les murs. Hizi mapanya. Ils sautent, ils mapanya za mapepo zinapanda kwenye vibambazi vinapita chini ya miguu. Mais les souris de Dieu. Na sasa panya za Mungu. Faites des images de souris. Mufanye picha ya panya. En or. Ya zahabu. Et allez offrir à Dieu. Na mwende mukamtolee Mungu. Ah. Et ces sorciers disent. Na hao wachawi wanasema. Peut-être. Sazi moja. Se sera-t-il d'apaisantir sa main sur vous, sur vos dieux. Ça c'est moja atacha kuweka mkono wake kwa kuwahukumu na juu ya miungu wenu na juu ya nchi yenu. Écoutez-moi bien. Msikilize vizuri. Le poids de Dieu. Uzito wa Mungu. Agit. Inatenda. Même sur des dieux. Hata juu ya miungu. Amen. Si ce poids agit sur les dieux qui opèrent dans votre famille, kama uzito huo unatumika juu ya miungu wanaotumika ndani ya jamaa zenu, ça va peser sur les serviteurs de ces dieux-là. Hiyo hiyo uzito itakuwa juu ya watumishi wa ile miungu. Bwana sifiwe. Amina. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je kuna mtu hapa. Qu'est-ce qui va se passer? Nini takayopitikana? Les sorciers disent, wachawi wanasema, les devins, waaguzi, pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme gani, les Égyptiens? Sababu gani mutafanya moyo wenu mgumu kama vile wa Misri? Rappelez-vous en Égypte, kumbukeni Misri, le serpent de nyoka, Moïse nyoka ya Musa, a mangé ilikula, les serpents des devins. Nyoka za waaguzi. Et les devins de la région na waaguzi wa mungini wa eneo nzima savent, wanajua, il faut faire attention avec ces dieux-là. Ya kwamba inaomba kufanya angalisho na ule Mungu. Il mange nos serpents. Anakulaka nyoka zetu. Peut-être va-t-il retirer sa main sur vos dieux. Sasa mmoja ataondoa mkono wake juu ya même sur votre pays. Na juu ya nchi yenu. Écoutez-moi, frère, sœur. Unisikilize ndugu dada na kaka. En ce qui concerne notre nation. Kwa ile inayofuatana na nchi yetu. Il est temps. Ni wakati. Que l'église du Congo. Ambao kanisa la Congo. Ramène Dieu imrudishe Mungu et son poids na uzito wake dans le Congo, ndani ya Congo, afin que Dieu pèse ili Mungu awe na uzito sur la RDC, juu ya Congo. Si tu crois ça, dis amen. Kama unaamini hiyo sema amina. Et si tu veux ça, dis amen. Na kama unahitaji sema amina. Peut-être retirera-t-il sa main sasa moja ataondoa mkono wake sur vous, juu yenu, sur vos dieux, juu ya miungu zenu, et sur votre pays, na juu ya nchi yenu. Si Dieu se lève dans cette forêt de Beni, kama Mungu anainuka ndani ya ipo et qu'il descend avec son poids, na anashuka na uzito wake, et que ce poids distribue l'hémorroïde, na hii uzito wake inaanza kugawa sasa hémorroïde kwa wale wote wanaochinja wake. C'est mufai mbio tunataenda opérer. Ah, faisons vite, nous partons pour opérer. Chef mkubwa, est-ce qu'on ne peut pas reporter pour demain l'opération? Non, celui qui refuse, on l'égorge tout de suite. Pardon, pardon, on y va, on y va. Twende, samahani. On y va comment? Tunaenda namna gani? Tukipengama. Asenjoaba tuchinje. Isola, comment tu vas égorger? Utachinja. Comment tu vas égorger dans cet état? Chinja sas. Égorge maintenant. Au risque d'égorger les égorgeurs. Unaweza sasa wanachinja wanaochinja. Dieu a déjà fait ce genre de choses dans l'histoire. Mungu ameshafanya mambo kama na haya ndani ya historia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Quelqu'un acclame ce Dieu du Kabo. Unamfanya shangilia Mungu wa utukufu. Regardez dans ce texte. Muangalie ndani andiko hili. Ne perdez pas le regard ce texte. Muangalie hii andiko. Essayons d'aller verset 7. Shaili la saba. Maintenant faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Et vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or, c'est-à-dire les offrandes que vous donnez à l'Éternel en offrande pour vos péchés, puis vous la renverrez et elle partira. Na kisa mutaituma na itaenda. Ah. Dieu, tu es fâché. Mungu nakasirika. Oui. Ndio. Mais pour me soulever et me mettre sur le char, je suis d'accord. Lakini ili mninyangue na mniweke juu ya gari ya ngombe niko tayari. Je crois que c'est de là que David s'est inspiré quand plus tard il ramène l'arche, il a fabriqué aussi un char neuf. Nikiwaza hapa ndipo Daudi aliangalia aliporudisha sanduku la agano naye akatengeneza gari mpya ya ngombe. Dans 1 Chronique 13 où nous avons lu. Ndani ya mambo ya siku ya kwanza 13 tuliposoma. 14:15. Ils mettent l'arche sur le char neuf. Wanaweka sanduku la gano juu ya gari mpya. Attelé sur deux vaches. Ambao inafungwa juu ya ngombe mbili wanaonyonyesha. Wanarudisha vitoto nyumbani. Odio vache. Na wanaambia hiyo ngombe. Ramenez le Dieu d'Israël. Urudishe Mungu wa Israeli. Et les vaches commencent à partir. Na wangombe wanaanza kwenda. Là où il y a courbure, il courbe. Mahali ambapo kuna lukumba wanapita pembeni. Et puis il courbe. Na wanaendelea tu sawa na njia. Et puis il courbe. Na kisha tena wanagunjama. Les vaches. Ngombe. Il n'y a pas quelqu'un qui tire sur ça. Hakuna mtu ambaye anazikokota. Autrement dit. Kwa maneno mengine. Dieu lui-même qui est sur le char. Mungu yeye mwenyewe aliye juu. A pris les cordes. Ya ile gari amechukua makamba. Il est en train de faire comme vous savez. Na iko nafanya jinsi mnajua. À gauche. Et les vaches vont à gauche. Kushoto na ngombe zinaendea kushoto. À droite. Kwa kume. Et les vaches vont à droite. Na ngombe zinaenda kwa kume. Dieu. Mungu. En fait, l'arche de l'alliance. Sanduku la agano. Conduit les vaches. Inaongoza ngombe. Ils sont allés wakaenda jusqu'à la frontière mpaka kwa mpaka et ils ont traversé na wakavuka et sont entrés dans un village wakaingia ndani ya kijiji et Dieu les a amenés dans un champ na Mungu akawatia ndani ya shamba d'un certain Josué ya mtu mmoja anaitwa Joshua et il s'est arrêté na kasimama les princes des Philistins suivaient de loin. Wale wasimamizi wa regardez qu'est-ce qui va arriver. Walikuwa wanaangalia kwa mbali waone nini takayotokea. Il peut pas approcher. Hawawezi karibia. Il le déposa dans ses champs. Na ikawekwa ndani ya shamba. Verset 12, les vaches prirent direction le chemin de Beth Shemesh. Kwa sura ya 12. Et suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à gauche ni à droite. Et le prince philistin allèrent derrière elle jusqu'à la frontière en train de voir au loin. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Wakafurahi walipoiona. Ça fait 7 mois. Inakuwa miezi saba. On a pris votre Dieu. Walichukua Mungu wenu. Et vous êtes resté tranquille. Na mulibaki salama. Où est la conscience Zamiri du besoin de votre Dieu? Ya itaji ya Mungu et il faut les champs. Na wana et il voit l'arche est venue. Wanaona sasa sanduku la gano nikikuja. Ça veut dire il voit deux vaches. Ni kusema wanaona ngombe mbili wakitembea. Na kuna kitu moja nyuma. Na wanasema ha. C'est l'arche la alliance. Ni sanduku la gano. Et il commence à danser. Na wanaanza kucheza. Et il regarde là où il va. Na wanaangalia mahali inaendea. Et les vaches descendent dans les champs de Josué. Na ile ngombe wale ngombe wanashuka ndani ya shamba la Joshua. Et s'arrête. Na inasimama. Quand ça s'arrête. Wanaposimama. Aya. Il y avait là une grande pierre. Hapo kulikuwa jiwe kubwa. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Wakatoa kuni na wakatoa ile mangombe kama vile sadaka ya kuteketeza kwa Mungu. Inakuwa kabisa mafikara mazuri. Mungu anakulaka. C'est Dieu vraiment il mange. Heureusement il y a quelqu'un ici qui pense que Dieu ne mange pas. Bahati mbaya hapa kuna mtu ambaye anawaza ya kwamba Mungu yeye hakulaki. Mungu wetu anarudia tumusongee. Notre Dieu est de retour, il faut que nous malaxions le foufou pour lui. Il offrit en sacrifice les deux vaches. Na wakatoa zile ngombe mbili kama sadaka ya kuteketeza kwa Mungu. Descendirent l'arche l'Éternel et les coffres qui étaient à côté na, et posèrent les tout sur la grande pierre. Et les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes. Ils sont allés chercher d'autres offrandes. Watu wa Beth-Shemeshi wakaenda kutafuta sadaka zingine et des sacrifices à l'Éternel. Na wakamtolea Mungu sadaka. Quand les princes des Philistins ont vu, ils sont repartis. Wakati wafalme wa Filistini walipoona hivyo wakarudi. Et les tumeurs sont là, les offrandes des tumeurs. Na ile masadaka yote iko pale. Il y avait aussi les souris. Na kulikuwa pia mapanya. D'or. Mapanya ya dhahabu. Et puis, il C'est ce qu'atteste la pierre, la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans les champs de Josué de Beth-Shemesh. Mais regardez la suite. Sasa muangalie inayofuata. Ils ont fait des sacrifices. Walifanya sadaka. Ils ont accueilli l'arche. Walipokea sanduku la agano. Mais le verset 19. Lakini shaili la 19. L'Éternel. Bwana Mungu. Frappa. Akapiga les gens wale watu de Beth-Shemesh. Wa Beti Semesi. On a tout piqué tena. Tu nous frappes encore. On t'a accueilli, on a fait des sacrifices. Si tu mekupokea na tumetoa sadaka. Tu nous frappes pourquoi? Bwana na wapiga sababu gani? Lorsque ils ont regardé l'arche de l'Éternel. Sababu walipoangalia sanduku la Mungu. Il frappa 70 hommes parmi les peuples. Akawapiga watu 70 kati ya watu. Comment avez-vous accueilli l'arche de l'Éternel? Namna gani mulipokea sanduku la Bwana Mungu? Ils ont laissé l'arche sur la pierre. Waliacha sanduku la gani juu ya jiwe? À plein air. Wakaiacha hadharani. Dieu est vivant. Mungu ni hai. Je me suis débrouillé pour retourner dans mon pays, votre pays. Yote ni c'est comme ça que vous m'accueillez. Na hivi ndivyo mnanipokea. Vous me laissez sur une pierre en plein air. Mnaniacha juu ya jiwe hadharani. Les passants commencent à me voir. Na hata wanaopita wanaanza niona. J'habite dans le lieu très saint. Ninaishi mahali patakatifu sana. Chez les Asdodiens, d'accord. Kwa wale wa Asdodi. C'est des incirconcis. Kwa wale wasioteliwa. C'est des gens qui connaissent pas ni Dieu. Ni watu wasiomjua Mungu. Mais vous êtes mon peuple. Lakini nyinyi ni taifa langu. Vous avez la loi. Munakuwa vous avez ma connaissance. Munakuwa mnanijua. Comment vous me laissez ici? Namna gani mnaniacha hapa? Au point que le peuple de Beth-Shemesh na hata watu wa Beth-Shemesh a commencé à se dire on est foutu. Wakaanza kusema tunakufa. On est foutu. Tunakufa. Le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel avait frappé d'une grande plaie. Et les gens de Beth-Shemesh dirent qui peut subsister en présence de l'Éternel, c'est Dieu. Nani ambaye anaweza kubaki mbele ya Mungu, huu Mungu mtakatifu? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Na ambaye mbele yake hii sanduku la agano litapanda ikienda mbali na sisi. Bala hii inatufikia hii. Itaenda kwa nani? Ça va aller chez qui? Maintenant dites-moi. Sasa mniambie. Est-ce que Dieu iko bala? Répondez-moi. Munijibu. Est-ce que Bala imekuya? Est-ce que malheur est arrivé? C'est le même Dieu. Ni ule ule Mungu. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mungu Abraham, Isaac, le Yacobo. Même Dieu. Ule ule Mungu. Dont la gloire terrorise l'univers. Ambaye utukufu inaogopesha ulimwengu nzima. Mais il s'est amené chez vous. Lakini amejileta kwenu. Pour vous offrir un privilège. Ili awapatie heshima. D'avoir Dieu dans votre champ. Mukuwe naye ndani ya shamba lenu. De faire quelque chose. Je suis venu moi-même chez vous. Mimi mwenyewe nimekuja kwenu. Il est écrit, il est venu vers le sien. Imeandikwa alikuja kwa wale wake. Na walio wake. Ne l'ont pas. Hawakumpokea. Reçu. Il a fait quoi? Akafanya nini? Il s'est tourné vers les gentils. Na akageukia mataifa. Est-ce que ça se passe aujourd'hui? Je inapitikana leo. On vous amène l'évangile à Goma. Wanakuletea injili Goma. Gratuit. Ya bure. Dites-moi ici. Muniambi hapa. Qui a payé pour qu'on lui prêche? Nani alilipa ili wa mhubiri? Levez la main. Mnyoshe mkono. Tu es devenu enfant de Dieu, tu as payé combien? Umekuwa mtoto wa Mungu, ulilipa ngapi? La grâce vient. Neema inakuja. Gratuitement. Inakuja kwa bure. Et les gens méprisent ça. Na watu wanaizarao. Comment vous vous comportez? Namna gani mnakuwa? Face à la grâce. Mbele ya neema. Les paniers vont commencer à passer. Vitunga vya sadaka vitaanza kupita. Donnons notre offrande. Tunaweza kupana sadaka yetu. Comment tu fais? Namna gani unafanya? Lorsque tu considères. Wakati unaangalia. Que mara hiyo Mungu ananifanyia neema. Aujourd'hui c'est devenu un slogan. Na leo umekuwa kama vile msemo. Comment ça va à la maison? Non, nyumbani, ça va bien kwa neema ya Mungu. Nyumbani namna gani? Ça va bien par la grâce de Dieu. Vous dites ça, non? Si mnasema hivyo? Eh. Par la grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. C'est devenu comme une exclamation. Kwa neema ya Mungu. Imegeuka tu kama vile msemo wa kurudia kila mara. Qu'est-ce qu'on dit? Na uelewe namna gani? Quand la grâce vient chez toi. Wakati neema inakuja kwako. Unafanya namna gani pamoja nayo? Demande au voisin. Uliza jirani. Neema mingi isha kukuia. Ulifanya nini? Il y a une grâce grande élevée qui est venue sur toi. Il y a beaucoup de grâces qui sont déjà venues à toi. Neema nyingi zimekuja kwako. Tu as fait comment? Na umefanya nini? Dieu t'a visité. Mungu amekutembelea. Tu as fait comment? Umefanya namna gani? Hallelujah. Amen. Oh, Mungu aende kwa nani? Ce Dieu va aller chez qui? Alors, ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath Yerim. Wakatuma wanyume kwa wakaji wa Kiriath Yerim. Les Philistins sont ont ramené. Na wakaambia Wafilistini wamerudisha kisanduku la Bwana. Descendez et faites la monter chez vous. Shukeni na mkuje muipeleke kwenu. Venez prendre Dieu. Mkuje mtwae Mungu. Si tunamshindwa. Et nous n'arrivons pas à les contenir. Beaucoup de gens watu wengi font partir Dieu. Wana sans Mungu. Réfléchir. Bila kufikiri. Pourtant, ijapokuwa, il suffit de réfléchir et de dire. Inomba tu kufikiri na Seigneur, unasema, Bwana, pourquoi tu es mal à l'aise avec moi? Sababu gani haufurahi pamoja na mimi? Tu peux le dire avec moi? Unaweza kuisema pamoja nami? Seigneur. Bwana, pourquoi tu es mal à l'aise avec moi? Sababu gani hauna furaha pamoja nami? Usikie mzuri na mie. Pourquoi pas tu ne te sens pas bien avec moi? S'ils avaient fait attention wangefanya angalisho et observé tout ce qui se passe, na wachunguza yote yanayopitikana, ils allaient se rendre compte qu'il y a une clause qu'on n'a pas respectée. Wangepasa gundua ya kwamba kuna kanuni ambayo haikuheshimika. Et il aurait suffi de régler cette clause. Na ingeomba tu wanaheshimu hiyo kanuni. Et le Dieu qui pèse na Mungu anayeuzito commencerait à peser dans leur région. Angeanza kuwa na uzito ndani ya eneo. Mais la solution première qui vient dans leur tête. Lakini tibu ya kwanza inayokuja kichwani mwao. Venez prendre Dieu. Asemu kuje mtoa Mungu. Tu vois ça dans ton comportement? Je unaona hii ndani ya tabia yako. On aura deux semaines de jeûne et prière. Tutakuwa na wiki mbili ya mafungo na maombi. Kufunga tena u pasteur. Mbona natuma tulifunga un mois 40. Nous avions jeûné pendant tout un mois. Kuko tume jana hapa. C'est hier. Frère. Ndugu. Où tu veux Dieu ou tu le veux pas? Ama unapenda Mungu ama umpendi? Tu veux la gloire de Dieu ou tu veux pas? Unapenda utukufu wa Mungu ama uipendi? Jésus lui-même de sa bouche dit. Yesu Kristo yeye mwenyewe kwa kinywa chake anasema. Le royaume de Dieu est forcé. Ufalme wa Mungu inakuwa nguvu. Ce sont les faibles qui sont en bas. Na ni wadhaifu ndio wanaingia ndani. Regardez. Angalia. Nous sommes dans l'année des avancées irrésistibles. Tuko ndani ya mwaka wa kuendelea bila kupingwa. Ok. Ça va. Si je suis en train d'avancer et pour que je sois irrésistible, qu'est-ce qui est requis de moi? Nini? Je dois être violent. Beaucoup de gens, nous sommes en décembre. Watu wengi tuko kwa mwezi wa 12. Wanasema mchungaji. C'est l'année des avancées irrésistibles. Si mwaka kuendelea bila kupingwa. Mais moi tout me résiste. Lakini mimi kitu chote kinanipinga. Parce que tu n'as pas osé être violent. Sababu haukupima kuwa mkali. Même quand tu décidais de prier à minuit ou à 5h. Hata wakati uliamua kuomba usiku kati ya saa 11 za asubuhi, wakati saa 11 za asubuhi. Même ton pendule sonne et te réveille. Hata kengele yako inalia na kuamsha. Tu finyanges ça. Unafinyanga unazimisha. Et tu te couvres. Na unajifunika sasa vizuri blanketi. Maintenant. Sasa. Oh. Ijapokuwa. C'était une opportunité. Ilikuwa ni de jouer un complot. Ya kuvunja l'ennemi dans cette journée-là. Adui kwa ajili ya mchana huo. Et puis tu as dit. Na kisha ukasema. Oh. Ukafinyanga na ukajifunika. Ile impression qu'il pleut dehors. Na ukawaza kwamba mvula iko na nyesha nje. Daomba sasa hivi. Je vais prier tout à l'heure. Mungu na uko mtu. Oh Dieu, toi aussi tu es un homme. Ce sont les violents qui sont en bas. Ni wakali ndio wanaoingia ndani. Et quand il y a des difficultés dans la marche, na wakati kuna matatizo ndani ya safari, ne cherchez pas les fuites. Usitafute kwa kukimbilia. Les voies de la facilité. Usitafute njia ya aliyo rahisi. Affrontez. Pambana. Les gens qui avancent, watu wanaoendelea, ce sont les gens qui affrontent. Ni watu wanaopambana. Les gens qui sont irrésistibles, ce sont les gens qui avancent, qui sont violents, qui acceptent d'affronter et ils marchent sur l'ennemi. Mais quand tu décides d'être faible, lorsque l'ennemi te barre la route, Unasema je suis encore foutu, donnez-moi le téléphone comme ça j'appelle le pasteur. Téléphone éteint. Oh, je vais te appeler papa Kaloumé. Kaloumé Chalala. Kaloumé c'est déjà endormi. Oh, ni te président du département. Je vais appeler le président de tel département, il n'est plus là. Pourquoi il n'est pas là? Ça va vous gagner, Haïko. Il a terminé sa prière tout à l'heure. C'est son temps de se reposer. Ah, ça, nous, quand tu vois, quand les gens qui sont faibles considèrent que les serviteurs de Dieu ne doivent pas dormir. Ah, ouais, pas là. Vous devez exercer notre irrésistibilité pendant que nous dormons. C'est-à-dire combattez pour nous. Nous on dort. Et rendez-nous irrésistibles. Ça ne fonctionne pas comme ça. Écoutez, si tu gagnes une victoire, tu ne sais pas comment elle est arrivée. Le diable sera content. D'une chose, c'est que tu ne sais pas comment la victoire est arrivée. Il t'attend au tournant là-devant. Mais lorsque tu as gagné la victoire et tu as participé dedans, même si les autres t'ont soutenu, les pasteurs t'ont soutenu et que toi-même tu étais dedans, quand l'ennemi vient, tu sais comment nous avons gagné la victoire d'hier. Je vous ai dit au courant de cette année que Dieu était en train de vouloir nous aider dans la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a des grands défis devant. Il y a des grandes victoires devant. Et pour que nous soyons compétitifs, que nous soyons victorieux, Dieu s'est contenté de nous enseigner d'abord. Vaincre la stagnation. Kushinda kubaki fasi moja. C'est quoi d'autre? Ni nyingine? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné cette année? Walitufundisha nini mwaka huu? Il est arrivé que tu es venu à l'église. Il me fait comme kuja kanisani. En voulant que le pasteur t'impose les mains que tu guéris sur place. Ukitamani mchungaji akuweke mkono na upone hapo hapo. Mais tu es venu, lakini ulikuja. Au lieu qu'il t'impose les mains, il t'a enseigné. Mkono, akakufundisha. Qu'est-ce que vous avez? La Bible est là. Il faut que vous nous guérissiez. Il faut que vous nous mettiez le travail sur la table. Il faut que vous fassiez des déclarations que nous en allions. Pasteur, ni pas résultat. Pasteur, donne-moi un résultat. Mungu anambia pasteur. Et Dieu dit au pasteur. Uba fundishe. Enseigne-le. Gisi ya kutengeneza ma résultat. Comment on peut faire et des résultats? Et à la fin de cette année, nandani ya mwaka mon frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, si tu ne le sais pas, kama wewe hujui, j'aimerais te renseigner. Ningependa ni kuambie. Tu n'es plus la même personne. Hauko mtu yule yule. En fait, tu n'es pas cette femme de 2018. Hauko ule mwanamke wa 2018. Même pas ce jeune homme. Ama ule kijana. Cette maman de 2018. Ama ule mama wa 2018. Tu es quelqu'un. Wewe ni mtu. Surtout. Na si tu as été attentif. Kama ulikuwa mwangalifu. Dans tous ces enseignements. Ndani ya mafundisho haya yote. Bâtir fort. Kujenga nguvu. Tu es en train d'être bâti. Uko na jengwa. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Hallelujah. Hey, amen. Nous sommes en train de parler de l'importance et la conscience. Tuko tunazungumzia juu ya umuhimu wa samiri. Pour comprendre le besoin. Ili tuelewe hitaji. De la gloire de Dieu. Ya utukufu wa Mungu. Bwana sifiwe. Hey, amen. Bwana sifiwe. Hey, amen. Les gens de Kiryat Jerim, what wa Kiryat Jerim, sont venus prendre l'arche. What likuja wakachukua sanduku la gani? Regardez ça. Sasa muangalie. Nous sommes au chapitre 7. Tuko kwa sura ya 7. Ils verrent et firent monter l'arche de l'Éternel et la conduisirent dans la maison d'Abinadab. Wakakuja wakatoa sanduku la gani na kuibeba ndani ya nyumba ya Abinadab. C'est Abinadab. Sio Obed-Edom, lakini hapa ni Abinadab. Sur la colline. Juu ya kilima. Et il consacrait son fils Eleazar pour garder l'arche de l'Éternel. Na wakamweka wakfu mwana wake Eleazar kwa ajili ya kuchunga sanduku la Bwana. Point. Nukta. La suite est triste. Inayofuata inakuwa ya kuhuzunisha. Il s'était passé bien du temps. Ilikuwa muda mwingi umepita. Depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Yearim. Tangu siku ambamo sanduku la agano liliwekwa pa Kiriath Yearim. Miaka 20 s'était écoulé. Ilipita. Point. Nukta. Entre l'arrivée sur la colline chez Abinadab. Kutokea kufika kwa kilima kwa Abinadab. Et 20 ans. Na miaka 20. Le Dieu qui pèse. Ule Mungu anayeuzito. Et chez Abinadab. Iko kwa Abinadab. Rien ne se fait. Hakuna kinachopitikana. Ni chez Abinadab. Hata kwa Abinadab. Ni dans le pays. Hata ndani ya nchi. Ni dans la contrée. Hata ndani ya eneo. Mais les Philistins. Lakini wa Filistini. Continuent à malmener le peuple. Wanaendelea kutesa taifa. Dieu est déjà rentré du pays étranger. Ijapo kuwa Mungu ameshatoka ndani ya nchi ya ugeni na amesharudi. Nini nayopitikana? L'absence de la conscience. Ukosefu wa zamiri. La conscience de quoi? Zamiri ya nini? De la gloire de Dieu. Ya utukufu wa Mungu. Qu'est-ce qui vous arrive? Nini ambao umewafikia? Dieu est déjà là. Mungu ameshakuwa hapo. Mais comment votre Dieu qui est déjà là est tranquille? Lakini namna gani Mungu wenu ambao ameshafika iko? Comment il vous laisse massacrer? Sababu gani nawaacha mwangamie? Qu'est-ce qui se passe? Nini nayopitikana? Bon, on va voir ça après. Ah, tutaiona baadaye. 10 ans. Miaka 7 ans. Miaka 7. 14 ans. Miaka 14. 18 ans. Miaka 18. 20 ans. Miaka 20. 20 ans. Miaka 20. Dieu ne fait rien. Na Mungu afanye kitu. Et tu restes tranquille. Na unabaki tu kimya. Beaucoup de familles ici. Majama mengi hapa. Ça fait 10 ans. Imefanya miaka 10. Vous ne voyez rien de Dieu. Hauone kitu kinachotokea. Et vous restez tranquille. Na unabaki tu kimya. C'est un énorme ministère. Moja wapo za huduma zetu. Tu sers le Seigneur. Uko namtumikia Bwana. Pureni ngulu ngulu. Uko namtumikia tu Mungu kiolela. Ita mutumikia Bwana chagua mimi. Mungu wangu. Nous servons Dieu. Tunamtumikia Mungu. Et puis 10 ans. Na kisa miaka 10. Rien. Hakuna kitu. Et tu restes tranquille. Na unabaki kimya. Où est ta conscience? Zamiri zako siko wapi? Tu chantes pour Dieu. Unamwimbia Mungu. Toute ton attention est focalisé sur la capacité à kobini sabango. Naangali sola kwenye kuwa tu namna gani nitacheza kobini sabiso. Unapenda tuchezeshe. C'est ça la gloire de Dieu, c'est ça. Hiyo ndio utukufu wa Mungu. Et tango zo bini sabiso. Na wakati uko na tuchezesha. Ba demon pezo ya. Mapepo nayo uko nakuja. Nayo nacheza. Où est le poids? Le poids. Uzito uko wapi? Où est le cabot? Vous êtes au monde. Et pourquoi tu es tranquille? Na sababu gani unabaki kimya? Ça te dit rien? Haikuambii kitu. Les mêmes problèmes que tu subissais il y a 3 ans. Izo shida ulizozipata miaka 3 imepita, unaendelea kuzipata. Et tu restes tranquille? Na unabaki tu kimya. 20 ans. Miaka 20. Regardez. Tazama. Ce qui est malheureux, inayokuwa yaone, c'est que l'être humain, ni kwamba mwanadamu, attend, anangoja, que tout se complique pour lui, ya kwamba yote yaribike kwake, conscience, ili sasa achukue zamiri. Regardez le verset suivant. Mwangalie cha inayofuata. Vous pouvez lire ça? Unaweza kuisoma? Qu'est-ce qui est écrit? Imeandikwa nini? Alors, toute la maison d'Israël na sasa nyumba yote ya Israeli poussa des gémissements vers l'Éternel. Wakaanza kumulilia Mungu. Si vous pouviez gémir le lendemain, mungepasha kulia kesho yake, lorsque vous avez déposé l'arche chez Abinadab, wakati mulipoweka sanduku la agano kwa Abinadab, beaucoup de choses seraient arrangées. Mambo mengi yangetengenemana. Mais vous avez entendu. Lakini mulingoja. Vous êtes resté inconscient. Mukabaki bila zamiri. Vous avez vu des choses se gâcher. Muliona mambo ya kiharibika. Vous êtes resté tranquille. Mukabaki kimya. Vous pouviez même aller appeler Samuel. Mungeenda hata kuita Samueli. Le juge ou le sacrificateur. Muamzi ama kuhani. Vous n'avez pas pensé à ça. Lakini hamkufikiria hiyo. Et les années sont passées. Na miaka zikapita. Et les malheurs se sont intensifiés. Na mateso yakakuwa mingi zaidi. Et ce sont les malheurs. Na ni mateso. Qui vous font gémir. Ndio inawaacha sasa mnaanza kulia. Et puis vous commencez à crier. Na kisha mnaanza kulia. Samuel dit à toute la maison d'Israël. Samuel yakaambia nyumba yote ya Israeli. Suivez-moi attentivement. Munifuate kwa makini. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. J'aimerais que tu soulignes une phrase ici. Samuel leur dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel. J'ai dit hier, il y a des gens qui sont inconscients dans le lait et dans le beurre. Kuna watu ambao wanazamiri hata ndani ya maziwa. Ils sont incapables de diriger leur cœur. Na hawana uwezo wa kupeleka moyo wao kwa Mungu. Il y a d'autres qui sont inconscients dans la misère. Kuna wengine ambao wanakosewa dhamiri ndani ya mateso. Ils sont incapables de diriger leur cœur. Hawana uwezo wa kupeleka moyo wao mbele ya Mungu. Si ce soir, kama jioni ya leo, tu peux prendre la décision. Unaweza kuchukua uamuzi. D'exercer ton cœur ya kutumia moyo wako à le diriger vers l'Éternel. Vous savez, nous pouvons être dans cette salle. Unajua tunaweza kuwa ndani ya chumba hiki. C'est le grâce et sondage. Inakuwa neema isiyo na kipimo. Mais nos cœurs sont dirigés sur d'autres objectifs. Lakini mioyo zetu zinaendelea sur d'autres sujets. Ama mambo mengine. Pasteur, c'est ma mbio, malisa, baniombe, nipone. Pasteur, parle vite, compris pour moi que je guérisse. Pendant que Dieu est en train de chercher ton cœur, ni kusema wakati mungi kuna tafuta moyo wako, ton cœur est dirigé vers ta guérison. Moyo wako inaendea uponyaji wako. Ton cœur est dirigé vers ton poste. Moyo wako inaendea tu kazi yako. Ton cœur est dirigé vers quelque chose. Moyo wako inaendea tu kitu fulani. Ton cœur est dirigé vers ta gloire. Moyo wako inaendea utukufu wako. Quand tu vois les malheurs autour de toi, ou dans ta vie, ton cœur est beaucoup plus dirigé vers les conséquences de ces malheurs. C'est-à-dire l'humiliation, la honte que ça te fait. Et ta réflexion, c'est qui me sortira de cette honte? Qui me sortira de cette humiliation? Or, tu pouvais diriger ton cœur autrement. Tu pouvais faire une redirection de ton cœur vers l'Éternel. Et dire, Éternel, tu es où? C'est toi que je cherche. Quand Dieu sent que notre cœur est dirigé sur lui, il descend vers nous. Mais quand Dieu sent que notre cœur est dirigé sur autre chose, en passant par Dieu, il ne réagit pas. Je répète. Narudilia. Beaucoup d'entre nous, wengi kati yetu, nous cherchons tunatafuta les résultats, matokeo, les solutions, majibu, les exaucements de Dieu, kuchibiwa na Mungu, à passer par Dieu comme l'escalier qui nous fait arriver à ce que nous cherchons. Tukipitia kwa Mungu kama ngazi nayo tufikisha kwa ile tunayoitafuta. Et quand Dieu nous lit de cette manière-là, na Mungu anapotuona namna hivi, son cœur n'a pas plaisir à nous. Moyo wake hautufurahi. Même quand il s'agit du ministère. Hata wakati ni huduma. Tu es pasteur. Wewe ni mchungaji. Ton cœur est dirigé sur qui? Moyo wako unaendea nani? Sur la gloire de ton ministère. Unaendea utukufu wa huduma yako. Ou sur les offrandes. Amunaendea sadaka. Que tu auras quand le ministère va grandir. Ambao utapata wakati huduma itakoma. Est-ce que vous me captez? Pourquoi tu jeûnes? Pour que l'église grandisse. Afin que les offrandes augmentent. Ça intéresse quoi à Dieu? Cette fois-ci, je vais entrer dans 50 jours de prière. Marahaba nitaingia ndani ya siku 15 ya maombi. Il faut que la puissance de Dieu commence à se manifester. Inomba uwezo wa Mungu uanze kujionyesha. Pourquoi? Sababu gani? Pour que les gens viennent. Ili watu wakuje. Et qui donne beaucoup d'offrandes. Na wapane sadaka nyingi. J'ai fait 80 jours dans la prière. Nimefanya siku 18 ndani ya maombi. Homme de Dieu. Comment ça se passe? Dieu n'a pas réagi. Na Mungu hakujibu. Ton cœur était dirigé sur quoi? Moyo wako ulikuwa unaendea nini? Tu étais dans quoi? Ulikuwa ndani ya nini? Ulikuwa mu biashara yako? Tu étais dans tes affaires. Et Dieu n'y prend pas plaisir. Na Mungu afurahie mambo haya. Tu peux jeûner pendant 1000 jours. Unaweza kufunga muda wa siku 1000. Pour ton ministère. Kwa ajili ya huduma yako. Si ton cœur n'est pas dirigé sur Dieu. Kama moyo wako. Rien n'arrivera. Mungu hakuna kitakachofika. Écoutez. Sikiliza. Nos jeûnes, nos sacrifices. N'intimide pas Dieu. Mafungo yetu na kujitoa kwetu. Hai muogopesha ki Mungu. Même les grosses offrandes que nous apportons. Hata na sadaka kubwa tunazozileta. Certaines personnes. Watu wa moja. Quand ils comprennent que Dieu leur dit, dirige ton cœur vers moi. Wakati wanaelewa ya kwamba Mungu anawaambia ulete moyo wako kwangu. Là c'est trop. Unasema Mungu sasa beaucoup. J'ai $2,000 ici, je vais t'amener ça. Anasema ninakuwa na dola 2000 hapa nitakuletea. On a peleke aba pasteur. Et tu pars devant le pasteur, tu les amènes ça. Mchungaji. Vraiment, j'ai eu à cœur. Nimesikia maoni mwangu. OK. Sawa. Pasteur a fait nini? Qu'est-ce que le pasteur va faire? On a poké. Il va recevoir. On a appelé Kukanis. Et il va amener à l'église. Et toi tu rentres? Na wewe unarudi. Dieu me connaît. Mungu ananijua. Tu peux même prendre le verset. Unaweza kuchukua hata shahili. De Corneille. Anakujua. L'ange est venu et a dit à Corneille. Malaika akakuja na kumwambia Cornelius. Tes aumônes et tes offrandes. Sadaka zako. On parlait devant Dieu. Zimeongea mbele. Dieu m'a envoyé. Na Mungu amenituma. Pour venir te donner la solution. Ili nikuje nikupatie jibu. Et toi tu as laissé ton offrande devant le trône ou même ici devant? Na wewe macha sadaka. Et tu repars. Mbele ya kiti cha enzi cha Mungu hapa mbele. Na unarudi. Ton cœur est dirigé sur quoi? Moyo wako inaendea nini? Levons-nous, l'état est fini. Tusimame muda umekwisha. Continue demain. Tutaendelesha kesho.